kisano kende kamerune Ono wala pie di kamerune Na komi epa iya ba ebotogu Na komi epa iya ba dualama Na komi epa iya ba mileke Na mona yote Chéri, Bondo wa mon amour Je t'ai cherché partout Pourquoi tu me fais tant souffrir Je t'aime Bondo wa Reviens, reviens, je t'en supplie Okay.